Est-ce là la première chanson que l'on déballe juste pour tes yeux? T'inquiète pas, le prochain sera moins con. Je ne dis pas qu'il fera mieux, seulement je ne peux pas m'empêcher, après ces instants côte à côte, de vouloir te complimenter. Et tout romancer, c'est ma faute. Bon, dans toute objectivité, que l'on veuille m'accorder ce doute, je me serais laissé charmer par ta tendresse et par nos joutes. Te vois la reine de 3-4-1 et j'en sais déjà qui s'en foutent. Mais paraît-il que mal ou bien, on peut s'y plaire si l'on y goûte. Faut croire qu'on peut pas m'accuser de calculer, vu que je me barre. Pour l'art, je peux même exagérer, je vais me gêner. Je t'aime, au revoir. La chose n'est pas anodine, si je laisse aller mon carbone à t'écrire ces lignes malignes que je qualifierais de conne. Le vin qui trempe mon papier ne justifie plus mon écart, car j'aurais bien pu renverser ces déclarations sur un bar. Je ne te promettrai ainsi ni le monde ni ma bouche sèche, préférerais rester assis si je repense à ta peau fraîche. Je sais mon discours tourne en rond, tu lui préfères ton acouphène, mais mine de rien, te voilà donc de 8-4-1 déjà la reine. Faut croire qu'on peut pas m'accuser de calculer, vu que je me barre. Pour l'art, je peux même exagérer, je vais me gêner. Je t'aime, au revoir. Je prévoyais t'arrêter là, je suis crevé et plus très saoul, mais je vais bien casser plus bas une phrase de deux bons goûts. Parle de ton esprit à ressort, de tes sourires, de tes bâillements. Merde, réveille-toi, fais un effort. Tant pis, je garderai pour moi les gentils compliments foireux. Remarque que l'on perd cette fois de notre temps à tous les deux. Mais pour ne pas se séparer sur une note où tu te plains, note que tous deux même tu es la reine de 12 putains de 4 ans. Faut croire qu'on peut pas m'accuser, vu que je me barre. Et pour l'art, je peux même exagérer, je vais me gêner. Je t'aime, au revoir. On peut pas m'accuser de calculer, vu que je me barre. Pour l'art, je peux même exagérer, je vais me gêner. Je t'aime, au revoir.